à bien faire. Ah tiens, t'es prêt à faire du rap. Tu crois tenir une affaire durable, mais t'as perdu et tu baves de rage. Car nos flots ne sont pas permutables et sans interlude. Check juste un texte d'une âme pour donner un aperçu. Bref, l'étendue de notre prose, la prod c'est DJ Lo. Évite l'équipe, c'est véloce comme une ligne de coke après une prise d'héro. Et oh, je reste propre, j'étoffe mes propos, mes mots pour qu'il marque. Contorsionniste du verre, force proportionnelle à celle de Fukushima. Bouge ou tira, rejoins tes ancêtres. En cette année 2011, je rêve d'une paye de vie compte sans piston. Mais en fait, j'ai vite compris que ce n'était pas possible. Je suis hors compétition, mes visions sont aussi rares qu'un kanji tant sédentaire. Tu prends des enfêtes sans deck, t'as pas le profil. Est-ce pour faire genre dans tes clips, y'a que ta bande de potes qui croient que t'es wanted. J'avance trop vite, tu le sens d'humeur acrimonieuse. J'use ma batterie au mieux sans vraiment comprendre pourquoi les gens me stressent. On est déjà loin dans les nuages, le taf est soin et durable, on a rien inventé, on nettoie les coins. Tu crains, c'est dingue, fais usage du passé simple. Si tu parles de ton avancée, on est loin dans les nuages, le taf est soin et durable, on a rien inventé, on nettoie les coins. Tu crains, c'est dingue, fais usage du passé simple. Si tu parles de ton avancée, toc toc, guidé par les vapeurs de la zèbre, j'm'échappe. C'est pas l'heure de la sieste, mais de la peur de ma main. Chétan, tu pèses, on voit ça dans 2-3 semaines. Dégage, tu sais que c'est dieless, j't'en veux pas sèche. T'es la bouche de la tutoute, je smash, fais mouche à la face. Je rentre sur le cours pour te la faire courte à la Michael Jordan. Final round pour tes idées très style. Le sample que t'es périmé, j'espère que t'as dérimé des bails de chant. Je fly, je fais le tour, l'inspi s'épanche dans chaque saut mort. Je m'en tape que t'es le blues, viens pisser dans ton saxophone. Je fax la note, c'est plus salé que la merde morte. Tu te trouves super fluide, mais c'est superflu quand tu performes. J'investis le terrain piste et cuisine un de tes mecs hyper. Et viscérer le beat et le faire cuire est un réflexe primaire. Je baise vos rêves de piles, de billets, de belles vies, de sexe friqué, de caisses, de filles et de fesses. Pitié, je veux m'exiler. On est déjà loin dans les nuages, le taf est soin et durable, on a rien inventé. On nettoie les coins, tu crains, c'est dingue, fais usage du passé simple. Si tu parles de ton avancée, on est loin dans les nuages, le taf est soin et durable, on n'a rien inventé. On nettoie les coins, tu crains, c'est dingue, fais usage du passé simple. Si tu parles de ton avancée, fixe pencil, dis-moi, dis-moi si ça glisse ou pas, j'ouvre une patinoire.